Thank you. We'll be right back.

Thank you.

parler. Ça sortait comme pas, la sortait croche, les mots. J'essayais de parler. Hein? J'essayais de parler. C'est le sketch qu'il avait fait, là. Tu sais, il était en blond, il faisait un boxeur qui était électro. Il y avait un œil au beurre noir. C'est pour ça qu'il avait réussi à être élu, parce que tout le monde s'est reconnu là-dedans. Parce que c'est le tweet comme oui. Non, il est tout tweet ici. C'est ça, Twitter. Tout le monde est sur Twitter. Good. devenait la première fois.